Chapitre 45e. Une installation telle que la voulait le marquis pour Clémence n'était pas facile à trouver. La petite maison au fond d'un jardin dont elle avait parlé était charmante à bâtir en imagination. Une petite porte dans un mur, au milieu d'une ruelle déserte, des grands arbres, des plantes grimpantes cachant la maison, des volets clos, une domestique discrète. Tout cela avait une tournure romanesque des plus agréables. Mais par malheur, la réalité ne s'accommode pas souvent avec nos désirs et nos rêveries. Et cependant, Condé-le-Châtel est peut-être, de toutes les villes de province, celle dans laquelle une maison de ce genre se pouvait le plus facilement rencontrer. Dans ses rues plantées de hauts arbres et bordées de fossés d'eau courante, nombreuses sont les maisons de plaisance qu'on loue aux Anglais qui ont adopté Condé comme lieu de résidence. Mais chacune de ces maisons avait un inconvénient. Celle-ci était dans une rue trop fréquentée, celle-là coûtait trop cher de loyer. Sur ce point, Clémence avait des idées arrêtées qu'il était impossible de lui faire abandonner. « Votre maîtresse, c'est bien, disait-elle, je la saurai. Mais si je suis heureuse de faire le sacrifice de mon honneur à mon amour, il faut qu'il soit bien entendu, il faut qu'il soit bien évident, même pour les malveillants qui m'accableront de leur mépris, que je me donne et ne me vends pas. Qu'on m'accuse d'être une femme perdue, je supporterai cette honte si j'ai votre tendresse. Qu'on m'accuse d'être une fille qui s'enrichit de la fortune du marquis de Rudemont, j'en mourrai. Ainsi, pas de discussion à ce sujet, je vous prie, si vous ne voulez pas me blesser. » Ces exigences rendaient les recherches difficiles, car les maisons au milieu d'un jardin ombragé par de grands arbres se paient cher partout et à Condé plus cher qu'ailleurs par cette raison qu'elles sont demandées. Il fallut chercher dans les autres petites villes environnantes, mais de ce côté encore, des embarras, pour ne pas dire des impossibilités, se présentaient. Clémence n'était point une de ces femmes dont on se lasse vite. Plus le marquis la voyait, plus il la voulait voir. Les heures de la journée étaient trop courtes, celles de la nuit passaient comme un songe. Comment pourrait-il vivre loin d'elle? Il fallait donc qu'elle ne fût pas éloignée de Rudemont. Il fallait que la distance pût être rapidement franchie afin de l'aller voir tous les jours et même plusieurs fois par jour. Or, les villes placées dans ces conditions étaient rares aux alentours de Rudemont. Irrité des obstacles qu'il rencontrait à chaque pas, il pensa à abandonner Rudemont et aller s'établir à Paris. C'était un moyen radical qui lui permettait de la voir tout à son aise et librement. Lorsqu'il fit part de ce projet à Clémence, celle-ci s'en montra enthousiasmée. Vivre à Paris, ensemble, libre, perdu dans la grande ville, quelle joie! C'était le paradis. Pour elle, il renoncera à Rudemont, quelle preuve d'amour! Pendant toute une journée, ça va être une véritable explosion de joie. Il fallait partir, partir tout de suite. Il n'y avait pas que pour eux que le séjour serait heureux. Denise aussi en profiterait. On pourrait lui donner les meilleurs maîtres, et par là le choix de sa nouvelle institutrice serait singulièrement facilité. Une simple gouvernante suffirait pour la surveillance. Ses maîtres, chacun dans sa spécialité, se chargeraient de l'instruction. Mais le lendemain, quelques objections se présentèrent contre ce projet. Et ce qu'il y eut de remarquable, ce fut qu'elle vint de Clémence elle-même, qui tout d'abord en avait été si enjouée. Mais avant tout, elle faisait passer la sincérité et la franchise, même quand elle devait en souffrir cruellement. Elle était ainsi faite. Sa vie eût été en jeu, eût-elle dû perdre ou gagner l'empire du monde, elle n'eût pas caché la vérité, encore moins l'eût-elle altérée. Une réflexion lui était venue, dont elle croyait devoir prévenir le marquis. Si, en quittant Rudemont, elle se retirait dans une petite ville, il était plus que probable que le capitaine ne viendrait pas les visiter. Elle lui ferait un compte quelconque, elle lui dirait qu'elle vivait difficilement de son travail, et il se contenterait de cette explication qu'il aurait tout intérêt à ne pas pousser trop loin, de peur d'être obligé de lui venir en aide. Mais si au contraire elle allait à Paris, il lui serait bien difficile de ne pas voir son mari. « Y pensez-vous ? » s'écria le marquis. Bien que les relations épistolaires ne soient pas très suivies entre le capitaine et moi, je ne pourrais pas me dispenser de lui annoncer que je quitte Rudemont. Si je me retire à Paris comme nous le désirons, et que je n'aille pas le voir, ses soupçons tout naturellement seront éveillés. Il cherchera les raisons de cette conduite chez une femme qui, jusqu'à ce jour, ne lui avait donné aucun sujet de plainte. Ces raisons ne seront pas bien difficiles à découvrir quand on rapprochera votre départ du mien. Qu'importe qu'il connaisse ou ne connaisse pas ces raisons, dit-il avec mépris, ce qu'il faut, c'est qu'il ne découvre pas le lieu de votre retraite. Et précisément, il le découvrirait bien vite. Vous ne savez pas quelle est son habileté pour ce genre de recherche. Alors, que se passerait-il? Vous et lui aux prises. Croyez-vous que les choses en viendraient à ce point? Je ne sais qui vous a inspiré pour lui ce mépris qui éclate à chaque instant dans vos paroles. Mais vous vous trompez si vous croyez que vous en auriez raison par certains moyens. Le capitaine n'est pas l'homme que vous supposez, monsieur le marquis. » Il secoua la tête. « Je ne sais, continua-t-elle, ce qui s'est passé entre vous deux lors de votre voyage à Paris. Mais quoi que ce puisse être, il ne faut pas vous appuyer dessus pour conclure que le jour où il serait ouvertement reconnu que je vous appartiens, vous pourriez éviter un éclat. » Si le marquis avait eu bonne mémoire, il aurait remarqué que ce langage s'éloignait sensiblement de celui dans lequel elle lui avait tout d'abord parlé d'un quartier désert au milieu duquel elle se cacherait à Paris, mais il ne fit point cette remarque, troublé qu'il était par cette évocation du capitaine. Qu'elle retourna près de lui, la jalousie lui avait monté à la tête. Il avait donc fallu renoncer à Paris, et de nouveau on s'était mis à rechercher dans un rayon rapproché de Rudemont. Mais toujours, quand il avait cru trouver, Clémence avait soulevé des objections devant lesquelles il avait dû céder. Le temps s'était écoulé, sans qu'il puisse arriver à un résultat, et chaque jour les impossibilités de ce projet étaient devenues de plus en plus évidentes. Il n'avait pas trouvé, parce que ce qu'il voulait était irréalisable. Il fallait reconnaître cette désespérante vérité. Clémence alors avait commencé à montrer une tristesse inquiétante. Elle avait perdu cette vivacité d'esprit et d'allure qui était un de ses charmes. Elle était sombre, toujours préoccupée. Le rire n'entourait plus ses lèvres et des rides continuellement plissaient son front. Souvent, au moment de le quitter, elle se jetait dans ses bras et s'appuyant contre sa poitrine, elle fondait en larmes. « Adieu, disait-elle, laisse-moi partir et permets-moi de ne plus revenir. » Le soir, mes jambes sont légères pour descendre l'escalier et venir près de toi. Le matin, elles sont lentes pour leur monter et retourner près de ta fille. Il me semble que je traîne un poids écrasant. » Il cherchait de douces paroles, mais elle ne voulait rien entendre. « Cette vie est infâme, disait-elle désespérément. Elle me fait mourir de honte. Jamais je ne pourrais supporter un pareil supplice. Je n'ose pas regarder Denise, et le baiser qu'elle me donne chaque matin me brûle. Il faut choisir. À toi ou à elle, je ne puis être à tous deux. Ce partage est horrible. Mentir me tue. Ta maîtresse, oui, franchement, tant que tu voudras, tant que tu m'aimeras, mais rien que ta maîtresse. Qu'arriverait-il si un domestique matineux me voyait sortir de cet appartement? Alors, affronte, si tu le peux, les regards de ta fille. Pour moi, je ne le pourrai jamais. Aussi, quand cela arrivera, mon parti est pris, je me jette dans l'andon. Quelle folie! Ce n'est point une folie, rien n'est plus sérieux. Si je te disais que quand je me promène maintenant le long de la rivière, je cherche ma place. J'en ai déjà trouvé deux, avec des roseaux, une eau profonde, des sols pleureurs tout alentour. On peut mourir là, honnêtement, proprement. Il n'avait pas besoin, cependant, d'être excité à mettre fin à cette situation, qui pour lui était horriblement douloureuse. Il n'avait pas tendu jusqu'à ce jour sans en voir les laideurs, et c'était précisément pour ne pas en subir les hontes et les remords qu'il avait voulu laisser partir Clémence. Mais maintenant ce départ n'était plus possible, et d'un autre côté il ne découvrait aucun moyen pour mettre d'accord entre lui le père et l'amant. Deux seulement étaient vraiment efficaces, écarter Clémence, écarter Denise, mais bien entendu il ne pouvait accepter ni l'un ni l'autre. Cependant, à force de retourner la même idée, il finit par s'arrêter à un parti, et un jour que Clémence recommençait ses plaintes, il l'arrêta presque gaiement. « J'ai un moyen de tout concilier, » dit-il, et comme elle le regardait étonnée, « C'est de marier Denise à Louis, » continua-t-il. « Lorsqu'elle aura un mari, je serai libre, c'est-à-dire que je serai tout à toi. Sans doute, elle est encore bien jeune et j'aurais préféré attendre. Mais dans quelques mois, elle sera d'âge à se marier, il me semble. Qu'en dites-vous ?